Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Bridgestone, chronique d'une mort préméditée. C'est l'histoire d'un drame contemporain et désormais récurrent. Une usine ferme, malgré les bénéfices qu'elle engrange. Le 16 septembre dernier, Bridgestone, que nous prononcerons Bridgestone, comme le font les salariés de cette entreprise, numéro 1 mondial du pneumatique, qui annonce ce jour-là la fermeture de son site unique de production en France, à Béthune, dans le nord du pays. Et ce sont 863 salariés jetés dans l'inconnu, 2000 en comptant les sous-traitants. Au Japon, où siège la maison mère, on se justifie vaguement en disant que là-bas, dans cette lointaine ville du Pas-de-Calais, la productivité était devenue trop faible. Mais on connaît le processus. On cesse d'investir, on réduit petit à petit les effectifs, et puis on délocalise là où la main-d'œuvre coûte moins cher. Tel est l'enfant dont la mondialisation a accouché. Mais au milieu de la litanie des plans sociaux dus à la crise du coronavirus, celui de Bridgestone va prendre toute la lumière et provoquer une réaction aussi sévère qu'immédiate du gouvernement français. Bien, mais à quoi bon? On n'a pas oublié les luttes passées, leur épilogue continental, les fameux Conti, Goodyear, Whirlpool. À chaque fois, le scénario se répète. L'impuissance de l'État face à l'abandon de l'industrie est patente. Alors, à défaut de repreneur, c'est le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, nouvel euphémisme des anciens licenciements collectifs. Les mots changent, la tragédie demeure. Notre invité Fiodor Rylov, avocat en droit social qui, après les Conti, les Goodyear, les Whirlpool, défend aujourd'hui les affranchis de Bridgestone, un collectif de salariés qui a décidé de poursuivre sa lutte devant les tribunaux. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyne Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mercredi 16 septembre 2020, Béthune, Pas-de-Calais. David, 47 ans, se lève à l'aube aujourd'hui. Il est de l'équipe du matin. Oh, depuis le temps, ce grand gaillard aux allures de viking, barbe et tatouage, a pris l'habitude des 3-8. 6h-14h, 14h-22h, 22h-6h du matin. Chaque semaine, les salariés changent d'horaire. Rien de tel pour piller les biorhythmes humains si précieux pour la santé. Ça fait 15 ans que David travaille au contrôle qualité de Bridgestone, numéro 1 mondial du pneumatique. En silence, il boit son café, embrasse Rebecca du bout des lèvres et disparaît dans le brouillard matinal. Il habite à 50 mètres de l'usine, une petite maison rue du Pont de Pierre, qui se trouve être la traduction exacte de l'anglais Bridgestone. David se marre. Ça doit être le karma, dit-il. Mais à 9h30, ce mercredi matin, c'est un très mauvais karma qui s'invite. Comme il le raconte au journaliste de La Voix du Nord. J'étais à mon poste de travail, des collègues sont venus me chercher en lui disant que voilà, il y avait le directeur financier qui était dans la salle de meeting. On nous a tous réunis. Il y a eu une clé USB qui a été mise sur un écran, une vidéo qui a duré 5-6 minutes, montre en main, qui nous disait quoi là, que c'était triste, mais que c'était comme ça, qu'il n'y avait aucune autre solution. Et on nous annonçait simplement la fermeture de l'usine, comme ça, par juste une vidéo. Voilà. Après la réunion, les ouvriers en pause se retrouvent devant les grilles d'usine. Ils sont abasourdis, sous le choc. Les mots veulent exprimer la colère, mais le souffle manque. Ils font ça de manière dégueulasse, peste David. Le minimum, quand même, c'était de venir assumer en personne, non? La direction justifie la méthode par la crise sanitaire. Les ouvriers de repos, eux, apprennent la nouvelle par leurs collègues, par coup de fil ou par texto. D'autres, à la radio, à la télé ou sur les réseaux, en tout cas, en même temps que la France entière. C'est le cas de Céline et Jérôme, couple salarié de Bridgestone, parents de 2 enfants et propriétaires à crédit. La maison, la voiture, la pompe à chaleur. C'est qu'ils avaient confiance en l'avenir. Parce que leur carrière a commencé ici, elle se finirait là, comme celle du grand-père, puis du père. L'aîné également voudrait honorer la tradition familiale. Être mécano, comme maman, dit-elle. En avril 2021, date de fermeture annoncée, ce sera toute une vie à réinventer. Alors Céline, aux grands yeux verts, maquillée de noir, peine à retenir ses larmes devant les caméras de l'émission 13h15, le dimanche, sur France 2. Et mercredi, je me lève normalement et j'apprends en fait sur les réseaux sociaux que Bridgestone ferme ses portes et laisse 863 ouvriers sur le pas de la porte. C'est atroce comme nouvelle. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai toujours dit à mon père j'irai travailler chez Bridgestone. J'ai réussi. Et maintenant, tout s'effondre. C'est pas qu'un emploi, c'est une famille. C'est mon usine comme ma maison. Ça a toujours été, depuis l'ouverture, ça a toujours été la devise. La grande famille Bridgestone, mon usine comme ma maison. On prend soin de sa maison comme de l'usine, quoi. Et on a l'image de Bridgestone. C'est pas rien. Je suis fière encore à l'heure actuelle, je suis fière jusqu'à la fin. Je serai fière. Depuis 60 ans à Béthune, tout le monde ou presque vit au rythme de Bridgestone. Sur un site grand comme 46 terrains de foot, c'est aujourd'hui le troisième employeur de la ville. 863 salariés, 2000 emplois en comptant les sous-traitants. L'usine tourne 24 heures sur 24 et fabrique 8000 pneus par jour. Alors, le groupe japonais Bridgestone Corporation est-il malade ? Eh bien, pas vraiment. 166 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 2 milliards et demi de bénéfices et des résultats toujours en hausse, jusqu'à devenir en 2015 le leader mondial du pneumatique devant Michelin. Alors, pour justifier la fermeture prochaine du site de Béthune, la direction de Bridgestone invoque une surcapacité de production et la concurrence des marques asiatiques à bas coût. L'usine française, en effet, produit essentiellement des pneus de petite taille, ceux-là même avec lesquels la Chine inonde le marché européen à des prix défiant toute concurrence. D'ailleurs, la plupart des manufacturiers ont depuis longtemps abandonné ce type de production en Europe occidentale pour la rapatrier là où la main-d'œuvre coûte moins cher. Cette équation, vous la connaissez, elle est devenue une règle. Les usines n'auraient d'avenir qu'à l'Est. Ces dernières années, Bridgestone a investi 160 millions d'euros à Poznan, en Pologne, où elle produit 30 000 pneus par jour. Des produits haut de gamme pour les gros véhicules, type SUV à forte valeur ajoutée, et carbonés. En Pologne, un ouvrier qui débute touche 430 euros par mois. Évidemment, c'est tout bénéfice et c'est à prendre au pied de la lettre. À l'inverse, pour Bridgestone, l'usine de Béthune serait la moins performante. Parmi la dizaine située en Europe, celle également où l'on a le moins investi. David, le colosse à la barbe de viking, résume ainsi la situation. En gros, on nous a dit que pour Bridgestone vive, il fallait que Béthune ferme ses portes. Voilà, c'est tout. À 14h, à la fin de son quart, il quitte l'usine, le visage fermé, et parcourt les 50 mètres qui le séparent de sa maison. Sa compagne, Rebecca, l'attend, fébrile. Ensemble, ils égrènent un lourd chapelet de questions, avec la conscience aiguë de ne pas être à 47 ans dans la meilleure tranche d'âge pour retrouver du boulot. 45, 55 ans, c'est d'ailleurs l'âge le plus répandu dans l'usine. Ça bouleverse tous nos projets personnels qu'on avait mis en place pour l'année à venir. Alors on voulait rechercher un nouveau logement en location, forcément ça met un gros point d'arrêt. Ensuite, voilà, on a un projet de se marier avec les amis, enfin de faire une fête, ça c'est fini aussi, on n'y pense même plus parce que voilà, financièrement ça va être compliqué. Enfin, beaucoup de choses quoi. Là c'est le point d'interrogation sur énormément de choses. Voilà, ça touche la famille quoi. On devient plutôt blasé, à mon niveau je serais plutôt blasé et me dire ben, on va juste essayer de s'en sortir et voir ce qui arrive par la suite. Comment vous voyez l'avenir là, maintenant? Bon, pour l'instant, moi, personnellement, je vois rien du tout. J'attends juste au jour le jour de voir ce qui va se passer. Et puis, l'avenir, non, pour l'instant. Bah, tous les projets sont en pause. Et puis, on attend de voir. On va déjà essayer de survivre, essayer de manger. Enfin, voilà, quoi. Ah, qu'il semble loin, le temps où l'ouverture de l'usine incarnait la renaissance du bassin minier. C'était au début des années 60. Elle s'appelait alors Firestone. On disait Firestone. À l'époque, le groupe américain de pneus cherche à conquérir l'Europe du Nord. Le gouvernement français lui prépare la reconversion des gueules noires, les ouvriers des mines de charbon, ça tombe bien. À Béthune, ville déjà sinistrée par le déclin du textile et de la sidérurgie, les puits ferment les uns après les autres. Une catastrophe sociale. L'implantation de cette usine américaine de pneus, considérée alors comme une industrie nouvelle, devient un symbole de renouveau, justement, une roue de secours, si l'on peut dire. Le 16 juin 1961, le premier pneu made in Béthune sort des presses. 400 ouvriers y travaillent, ils sont le double l'année suivante, promis un avenir radieux, comme en témoigne ce reportage de 5 colonnes à la une, daté du 5 mai 1968. Les industries nouvelles, elles en sont à leur début, il faut le dire. Ici, la zone de Douvrin n'est encore qu'un projet. À Béthune, par contre, les implantations ont commencé. Firestone a installé une usine de pneus et même sa direction et ses cadres. Beneteau encore. Et d'autres. C'est un commencement, mais c'est le commencement d'un mouvement. Et même d'une histoire. 20 ans plus tard, en 1988, Firestone devient Bridgestone. Le groupe japonais rachète la marque à coups de milliards et intensifie la production. Et l'heure est au recrutement. L'usine de Béthune comptera jusqu'à 2000 employés, ce qui est colossal pour une ville de 25 000 habitants, c'est 10% presque. Alors on s'y fait ses amis, on s'y marie, on en sort retraité. Et malgré la crise économique de 2008 qui touche de plein fouet le secteur automobile, Bridgestone tient bon. 10 ans plus tard, c'est même une année record. En 2018 en effet, l'usine fabrique 20 000 pneus par jour. Pourtant les salariés, dont le nombre ne cesse de chuter, sont inquiets. Parce que la direction veut négocier un accord de performance collective, mieux connu sous le nom d'accord de compétitivité, des formules vagues, nébuleuses, euphémiques, qui en principe ne cachent rien de bon pour les salariés. D'ailleurs, le constat du directeur Philippe Burnage est sans appel. L'usine de Béthune est la moins rentable du groupe, avec les salaires les plus élevés et le temps de travail le plus court. Il propose alors une hausse du temps de travail de 2 heures par semaine, sans rémunération supplémentaire, le passage à 4 équipes au lieu de 5, en fonction de la demande, et une augmentation des salaires étalée sur 3 ans. En contrepartie, un investissement minime dans de nouvelles machines doit permettre de fabriquer des pneus plus gros. Voilà, les négociations durent des mois, en vain. Le 31 mai 2019, l'accord est en effet rejeté par la majorité des salariés. Et les conséquences sont immédiates. Baisse de moitié de la production de pneus, vente de 34 moules, suppression de 100 postes d'intérimaires sur 148. En septembre, l'intersyndicale prophétise que l'usine est en danger et que la direction affaiblit délibérément le site. Le bruit court alors d'une réorganisation ou d'un plan de départ volontaire. Mais un an plus tard, le 16 septembre 2020 au matin, c'est la douche froide. France Inter. La rentrée donc s'annonçait délicate déjà sur le plan économique. Elle risque d'être meurtrière, Bridgestone. Bridgestone va fermer son usine de Béthune. Un coup de massue pour les 863 salariés. Et 863 personnes. Et des centaines d'emplois indirects menacés. Pilule difficile à avaler pour les salariés qui ont multiplié les efforts depuis des années. Le gouvernement dénonce à l'instant une trahison de la confiance. Une claque aussi pour le gouvernement. À quoi sert un plan de relance à 100 milliards d'euros si les grandes entreprises préfèrent mettre la clé sous la porte ? Auchan, Nokia, Airbus, Aéroport de Paris, General Electric, Cargill, Technicolor, Hyatt Hotel. La liste des plans sociaux ne cesse de s'allonger depuis le début de la crise du coronavirus. Qui a bon dos, cela dit. Mais si Bridgestone espérait noyer son annonce au milieu de tous ces drames, c'est raté. La décision est si brutale qu'à peine connu, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, se rend directement devant les grilles d'usine, rejoint par une foule de journalistes. Face au micro, il ne mâche pas ses mots. Une fermeture complète de ce site, c'est un assassinat. Et c'est un assassinat prémédité, prévu de longue date. Je l'ai dit avant cette réunion, on a affaire à des menteurs, parce qu'en novembre 2019, c'était pas un siècle, à Bercy, au ministère, il y a eu des réunions, et ils nous ont dit les yeux dans les yeux, non, vous savez, il y a des difficultés sur le marché du pneu, mais il n'est pas question de fermer. On est aujourd'hui en septembre 2020, et visiblement, on a eu affaire à des cyniques et à des menteurs. Il y a une possibilité aujourd'hui de changer la donne. C'est que Bridgestone renonce à son projet de fermeture et accepte de se mettre autour d'une table et de discuter d'un projet d'investissement sur ce site. Chose rare, dans la foulée, Xavier Bertrand, estampillé Les Républicains, signe avec la ministre du Travail et la secrétaire d'État chargée de l'Industrie un communiqué commun pour dénoncer la brutalité d'annonce et ses fondements. Il faut dire que la nouvelle tombe au pire moment pour le gouvernement qui vient de dégainer un grand plan de relance visant justement à soutenir les entreprises et l'emploi. Alors les réactions et les annonces se succèdent. On se souvient, par exemple, qu'en 2018, Bridgestone a touché 1 800 000 euros d'avantages fiscaux grâce au CICE, de l'argent public destiné à créer des emplois, pas en supprimer. L'exécutif demande ainsi au groupe japonais de revenir à la table des négociations pour proposer des scénarios alternatifs et, pourquoi pas, réinvestir à Béthune. Mais que peut réellement l'État aujourd'hui? Quels sont ses moyens de pression? La loi Florange de 2014 instaure certes l'obligation de chercher un repreneur en cas de licenciement collectif, mais sans obligation de résultat. D'autant que l'histoire en rappelle une autre, au dénouement tragique, celle de l'usine de sèche-linge Whirlpool à Amiens en 2017. 286 salariés sur le carreau. On y retrouvait les mêmes ingrédients. Concurrence polonaise, maelstrom de réaction politique et promesse de réimplanter les industries. Depuis, le plan de sauvetage de l'usine est devenu un fiasco et avec lui, le symbole de l'impuissance de l'État. Alors on aimerait se dire que cette fois, ce sera différent. Mais l'inconscient joue des tours. Le 21 septembre 2020, la secrétaire d'État chargée de l'industrie est interrogée lors de sa première visite à Bridgestone. Attention au lapsus. Alors je vais préciser plusieurs choses. On nous a dit qu'on ne réussirait pas sur le dossier ARC et on a réussi sur le dossier ARC. On nous a dit qu'on ne réussirait pas sur le dossier Ascoval et on a réussi sur le dossier Ascoval. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est gagné. Ce qui nous anime, c'est que les salariés de Whirlpool aient un emploi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Je ne vais pas, de Bridgestone, pardon, aient un emploi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Oui, il y a Whirlpool et tous les autres. Souvenons-nous de Metal Europe, Continental, Florange, Goodyear, autant de luttes emblématiques, parfois violentes, qui chaque fois ont meurtri le pays. Et la coloration politique du président alors en fonction n'y a rien changé. C'est arrivé sous Chirac, comme sous Sarkozy, Hollande ou Macron, chacun son tour, impuissant face aux effets de la mondialisation. À Béthune, chez les salariés de Bridgestone, c'est à Continental que l'on pense surtout. Oui, l'usine de pneus de Clairoix dans l'Oise, fermée en 2009. Au Conti aussi, on avait promis des formations et des réinsertions. 10 ans plus tard, seul un quart de ces 1113 salariés a retrouvé un CDI, sans compter les 14 suicides et les 300 divorces. Alors à eux, les Bridgestone, que peut-on promettre? Devant l'usine de Béthune, pourtant, pas un pneu qui brûle. Malgré le choc, l'horloge, comme la chaîne, tourne toujours. La grève, les débrayages ici, c'est rare. Des banderoles sont posées, mais la lutte reste sage. L'intersyndicale a choisi la négociation. Au récit des Conti, certains préfèrent celui du sauvetage de l'usine Bridgestone de Bari, dans le sud de l'Italie. Alors que sa fermeture avait été annoncée en mars 2013, 60% des emplois ont depuis été sauvés, au prix d'énormes sacrifices, certes, et d'un long bras de fer, 7 mois de bataille et de la mobilisation générale du gouvernement italien et des syndicats. Alors, répète-t-on ici ou là, on doit se battre jusqu'au bout, essayer d'avoir un maximum, même si à la fin, tous savent qu'il s'agira d'une défaite. Dimanche 4 octobre 2020. 19 jours après l'annonce de la fermeture, les salariés de Bridgestone organisent leur première mobilisation. Pas une manif, non, mais un défilé sans bannière, sans fumigène, ni même un slogan. Car ils ont choisi le silence pour exprimer leur colère. Une marche blanche avec seulement 3 banderoles en tête de cortège et un même message écrit en rouge et noir. Non à la fermeture de Bridgestone, solidarité avec les salariés. Sous le ciel gris et la pluie, tout Béthune ou presque bat le pavé. Aux côtés des ouvriers, il y a la famille, les amis, les élus de la ville, du département et de la région. C'est Linella, bien sûr, avec ses grands yeux verts maquillés de noir. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes et même d'élus qui se débattent pour nous. On sait qu'on n'est pas seul. Reste à voir ce qui se passera après, si vraiment les élus tiennent leur promesse de continuer à se battre avec nous jusqu'au bout. Là, il y a des gens qui travaillent derrière nous aujourd'hui. Oui, on continue de travailler parce que c'est pas parce qu'on va se battre, enfin qu'on va manifester, qu'on va crier, que ça va changer la situation. Voilà, on continue à tourner parce qu'on veut pas que ça ferme. Je continue à aller au travail et je continuerai jusqu'au bout. Les anciens, ils sont là. Les anciens sont là, ouais. Les retraités sont là. Ouais. Tu as le frère. Vous êtes retraité, vous? Oui, on est là depuis le 1er juin et je suis là. Vous avez passé combien de temps? 37 ans dans la boutique. Ouais. Mon père, 25 ans et mon garçon, 15 ans. À nous deux, on a 77 ans dans la boutique. Ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, les rivalités politiques sont en sourdine. Ce n'est qu'une trêve avant le déluge. Dans le calendrier des négociations sur l'avenir du site, l'ultime réunion est fixée au 27 janvier de cette année, soit, pense-t-on alors, à quelques semaines des élections régionales, qui seront finalement décalées à cause de la crise sanitaire. Autant dire que les Bridgestone n'ont pas fini de voir défiler les politiques. De l'insoumis François Ruffin à Xavier Bertrand, passant par des ministres, Marine Le Pen, l'écolo Karim Adelli ou Jean Lassalle, toute la classe politique française accourt au chevet des ouvriers. Face au micro tendu ou hors caméra, chacun y va de son refrain, rôde son argumentaire, fait des selfies ou des lives Facebook avec en toile de fond les grilles d'usine. À Béthune, la campagne a commencé. Les Bridgestone, eux, poursuivent leur combat, tout comme le travail, en attendant de savoir de quel côté viendra la nuit. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui. Le gouvernement propose une solution pour l'usine Bridgestone de Béthune. Le fabricant japonais veut la fermer. 843 postes concernés. Le cabinet mandaté par l'État propose un scénario qui en sauverait la moitié, Maxime Debs. C'est le président de la région de France, Xavier Bertrand, qui l'a le mieux résumé. Il y a de la place pour continuer à faire des pneus. Pas des pneus comme aujourd'hui, des pneus différents sur lesquels il y aura un débouché. Attention, si c'est un tel projet, c'est avec moins de salariés. En somme, selon le cabinet d'experts missionné par le gouvernement, seuls 460 à 560 personnes sur les 843 pourraient être reprises. Premier bémol qui en cache un second, les efforts qui seraient possiblement demandés en supplément aux ouvriers de Béthune. 19 octobre 2020, un mois après l'annonce brutale de la fermeture du site Bridgestone de Béthune et les premiers cris d'orfraie du gouvernement, l'état-pompier remonte au feu. Dans sa besace, un plan concocté par un cabinet d'études, donc, qui permettrait de sauver la moitié des emplois grâce à un investissement de 100 millions d'euros dans de nouvelles machines. L'État se dit prêt à y contribuer, à moitié s'il le faut. Les efforts demandés en contrepartie, des gains de productivité de 25 à 40% et une réorganisation du temps de travail. En somme, moins de salariés, plus de rentabilité. Le gouvernement admet que cette solution sera très difficile à mettre en œuvre. Mais les syndicats qui font profil bas depuis le début saluent l'initiative. Tout dans leur esprit, plutôt qu'une fermeture du site. Même le groupe japonais semble enfin ouvert à la discussion. Il accepte d'examiner, dit-il, la viabilité de cette solution dans les prochaines semaines. L'espoir renaît, mais pour mourir aussitôt. Car la réponse tombe un mois plus tard comme un couperet, c'est niet. Le 12 novembre 2020, c'est la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, la mine grave, qui en fait l'annonce à l'issue d'une réunion organisée avec la direction européenne du groupe. Bridgestone a fermé la porte. Bridgestone quitte le site de Béthune, mais nous, nous serons là, aux côtés des salariés, pour trouver les meilleures solutions possibles. Aux côtés des salariés pour travailler sur des scénarios de reprise, aux côtés des salariés pour faire en sorte que le plan social qui est aujourd'hui proposé soit amélioré, aux côtés des salariés pour faire en sorte que le jour où ce site serait amené à fermer, dès le lendemain, les perspectives de chacun des salariés soient connues par eux et qu'ils puissent voir la lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est fini. Bridgestone quitte Béthune après avoir joué la montre et avec les nerfs de tout le monde. La stratégie du dialogue, prônée depuis le début par tous les acteurs du dossier, n'a pas payé face à la multinationale japonaise, dont le message est clair, nous faisons ce que nous voulons, peu importe ce que ça nous coûtera. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, omniprésent depuis le début de la crise, annonce un nouveau bras de fer pour obtenir le maximum par salarié pour la revitalisation du site de 32 hectares. C'est donc une nouvelle étape qui s'ouvre pour garantir un avenir à Bridgestone qui cherche toujours un repreneur, comme l'oblige la loi Florange. Dans un communiqué, le groupe annonce avoir déjà identifié 10 projets industriels pouvant prétendre à sa succession et se dit même prêt à laisser le site à un concurrent. Bien, mais rien de vraiment concret. En attendant, l'intersyndicale enchaîne les réunions avec la direction, s'écharpe sur les pré-retraites, le congé de reclassement et les indemnités, tandis que le 863 salariés vaincus naviguent à vue. Avant même la crise sanitaire, selon Pôle emploi, le temps moyen pour retrouver du travail dans la région était de 2 ans. Céline et son compagnon, Jérôme, 27 ans de boîte à eux deux, sont amers. La tristesse de la première annonce de fermeture il y a 2 mois cède la place à la colère. On les a enrichis, et voilà comment on est remercié, s'emporte Jérôme. On est des pions, des numéros. Vous savez, on n'est rien du tout. Dans leur foyer, ce sera 2 reconversions en même temps, 2 gamins au milieu de tout ça, et pas moyen de penser à autre chose. Pour l'instant, je me dis, s'il y a un repreneur, je vais garder ma place, je vais rester là-bas. Pour l'instant, j'arrive pas à m'imaginer ailleurs. Ni avec d'autres collègues, ni dans... Enfin, autrement, quoi. J'y arrive pas pour l'instant. Alors voilà, je vais me retrouver, bon, pas toute seule, mais il y en a déjà qui ont vu plus loin et qui réorganisent déjà leur vie d'après, quoi. Là, il va falloir que je m'organise avec le nouveau travail de Jérôme aussi, les horaires des enfants, tout ça, quoi. Là, on est chamboulé. C'est déjà pas facile de cacher ses émotions et de gérer l'histoire face à ses enfants en gardant le sourire, en gardant le moral et en faisant comme si de rien n'était parce que c'est bientôt Noël et c'est un moment magique qu'il faut préserver. Je fais la dure. Je montre à tout le monde que je suis là, que je suis forte, mais voilà, derrière. 15 jours plus tard, le 27 novembre au petit matin, des palettes brûlent devant l'usine. Pour la deuxième fois depuis leur marche blanche, les Bridgestone, dont Xavier Bertrand ne cesse de saluer le sang-froid, se mobilisent. Mais cette fois, ils ont sorti des fumigènes, des grands draps bariolés, Élisée Machoc. Tout le long des grilles de l'usine, des photos d'enfants légendés interpellent les automobilistes. Pourquoi tu fermes l'usine de mes parents? Ou encore, pourquoi mon papa pleure-t-il? Les messages sont traduits en japonais, au cas où la direction, là-bas, en aurait vent, et au cas où elle serait émue. Une banderole rappelle aussi que Bridgestone est l'un des partenaires des Jeux Olympiques de 2024 en France, pays dans lequel l'entreprise n'aura donc plus aucune usine. Et puis, à chacun sa croix. Les uns après les autres, les 150 grévistes viennent planter la leur sur le rond-point voisin, bricoler avec deux bouts de bois leur numéro de pointage inscrit au marqueur noir. La date de fermeture effective de l'usine a été actée. Ce sera le 2 mai, le lendemain de la fête du travail. On n'est plus à un cynisme près. Oui, les cyniques, les hypocrites et les passifs. Voilà ce qui fait enrager le député insoumis François Ruffin, très présent aux côtés des salariés depuis le début de la crise. Et il est encore là ce matin, prêt à donner de la voix. Je l'ai toujours vu. Je l'ai toujours vu. Ça fait 20 ans que je fais des plans sociaux. J'ai toujours vu les élus locaux pleurnicher, et je les comprends. Et j'ai toujours vu les ministres venir pleurnicher. Mais on leur demande pas de venir pleurnicher. On leur demande d'agir. On leur demande d'agir, on leur demande de prendre des décisions, on demande de dire interdiction des pneus asiatiques si c'est le problème. On leur demande de dire interdiction des pneus Bridgestone. Et en termes d'action, vous verrez, à la fin, il n'y aura rien. Deux mois après l'annonce de fermeture de Bridgestone, cette journée d'action, la première indigne de ce nom, arrive-t-elle trop tard? Stéphane Ducrot, l'avocat de l'intersyndicale, défend le timing. Il estime que c'est maintenant qu'il faut peser sur la négociation, parce qu'avant, on risquait d'effrayer les potentiels repreneurs. Et l'avenir de Béthune repose encore sur cet espoir fragile. Mais cette stratégie de la sagesse ne plaît pas à tous. Depuis une semaine, une quarantaine de salariés reprochent au syndicat d'avoir trop vite baissé les bras, de vouloir simplement limiter la casse quand eux veulent porter l'affaire en justice. Ils dénoncent une rupture brutale et abusive du contrat de sous-traitance entre l'usine de Béthune et Bridgestone Europe, son unique client. Ils veulent obtenir un préavis, du temps pour mieux se retourner. Alors une association se forme, les affranchis de Bridgestone, qui dit tout de sa stratégie, à rebours de celle de l'intersyndicale. Le petit groupe de résistants mandate alors l'avocat Fyodor Ilov, spécialiste de droit social, connu pour avoir défendu les salariés de Goodyear, Continental, Whirlpool. Il donne rendez-vous à Bridgestone devant les juges pour contester l'arrêt de la production sans préavis de l'usine de Béthune. Ainsi, chez les ouvriers, deux camps se forment, petit à petit, et à couteau tiré. Devant les tourniquets de l'usine, à l'heure du changement d'équipe, les échanges entre pro-négociations et affranchis sont parfois tendus. Comme ici, à quelques jours de la mobilisation du 27 novembre 2020. J'envoie avec un briquet et une palette, je fous une claque dans la gueule. C'est simple, on n'est pas ici pour brûler, on n'est pas ici pour cracher dans la soupe sur une usine qui nous a fait vivre pendant plus de 60 ans. Ouais, mais c'est pas une raison qu'ils doivent la fermer non plus. Mais je dis pas, tout le monde a son mot à dire, David. Ouais. Mais certainement pas en brûlant et en... On n'a jamais dit qu'on voulait brûler, Denis. On avait d'autres moyens d'action, Denis. Je suis entièrement d'accord. Après, est-ce que t'as déjà vu une entreprise comme la nôtre, une multinationale, attendre comme ça, les gens, les salariés attendre sans rien faire? C'est la première fois. Et puis être sage comme une image, oui. Et puis que la direction va te donner un chèque et une image au bout du compte. Moi, j'y crois pas du tout. Tandis que les audiences s'enchaînent, les affranchis, l'intersyndicale et la direction de Bridgestone se sont déjà entendus sur trois mesures cruciales. Les pré-retraites, prises en charge dès 55 ans, le congé de reclassement allant jusqu'à 2 ans, et enfin les très attendues indemnités supralégales. Montant obtenu, 40 000 euros bruts, plus 1 500 euros par année d'ancienneté. Depuis, l'usine de Béthune est plongée dans le silence et le froid, comme déjà morte. À l'intérieur, l'énergie n'est plus là. 20 minutes quotidiennes de boulot par ouvrier à tout casser. Un café par ici, une partie de belote par là, quelques 250 salariés ne pointent plus. Beaucoup sont en formation et une soixantaine ont retrouvé un CDI. D'autres paieront le prix fort. Bridgestone ou le bourreau de Béthune. On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse. À genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son altesse. On vous laisse nos hivers, vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange, l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. De quoi vous distraire et vous en allez. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier Bridgestone, dont nous allons parler avec notre invité Fyodor Rylov, cité dans le récit. Bonjour. Bonjour. Avocat en droit social, après les Conti, les Goodyear et les Whirlpool, vous défendez aujourd'hui les affranchis de Bridgestone, un collectif de salariés qui a décidé de poursuivre sa lutte devant les tribunaux. Alors vous allez avec moi finir le récit, c'est-à-dire arriver au tout dernier épisode à aujourd'hui. Où en sommes-nous de la bataille judiciaire des affranchis ? Bah, écoutez, comme vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de salariés chez Bridgestone à Béthune qui n'ont pas accepté de baisser les bras, qui rejettent cette espèce de fatalisme qu'on veut absolument leur faire avaler et qui ont décidé d'engager un combat contre la multinationale sur la base de choses très simples que vous avez aussi indiquées tout à l'heure, à savoir les profits monstrueux, colossaux, que réalise le groupe Bridgestone pendant qu'il ferme l'usine à Béthune et qu'il licencie des centaines et des centaines de salariés. C'est toujours le même paradoxe, c'est toujours la même contradiction. Voilà, il y a des sommes colossales qui sont à disposition potentiellement pour créer de l'emploi, investir, et il en resterait encore un morceau considérable pour payer les actionnaires. Et pourtant, on met en œuvre systématiquement des stratégies qui ne vise qu'une seule chose, donc accroître encore davantage les bénéfices pharaoniques, tout en démolissant l'emploi, en démolissant les êtres humains aussi, hein, puisque le coût humain est déjà considérable. Et c'est contre tout ça que les salariés qui se sont donc organisés au sein de l'association Les Affranchis de Bridgestone ont décidé de lutter. Alors, parallèlement, en saisissant la justice. Et en saisissant la justice dans des conditions de plus en plus difficiles, parce que vous savez, depuis 2013, hein, depuis, en vérité, c'est Hollande hein, qui a engagé le premier un processus de démantèlement du Code du travail et notamment des dispositions dans le Code du travail qui permettaient de faire suspendre les plans sociaux lorsque les licenciements, les fermetures d'usines n'avaient manifestement aucune justification valable. Donc ces articles du Code du travail ont été supprimés, n'existent plus, et évidemment les ordonnances Macron qui sont en quelque sorte la dernière étape dans la destruction de cette partie du Code du travail. Des ordonnances Macron ont quasiment rendu impossible l'action en justice en vue de suspendre les licenciements. Donc empêcher que les lettres de licenciement soient adressées aux salariés. D'accord. Il reste cependant quelques brèches et nous les utilisons. Alors, on va les prendre les unes après les autres. Hein, parce que parallèlement à l'action des affranchis que vous défendez, l'administration du travail a validé le 16 mars dernier, il y a 15 jours, le plan de sauvegarde de l'emploi signé par l'ensemble des syndicats. La fermeture officielle du site de Béthune est prévue pour le 3 mai. Qu'est-il encore possible de faire et d'espérer pour les salariés ? Là, maintenant, concrètement. Alors là, maintenant, concrètement, nous avons saisi deux juridictions. On a saisi le tribunal de Lille et aussi le tribunal de commerce d'Arras. Et nous avons demandé à l'autorité judiciaire, qui est, de notre point de vue, la seule qui peut encore se montrer un peu raisonnable dans cette affaire, je reviendrai sur la responsabilité extrêmement lourde des politiques, nous avons demandé à l'autorité judiciaire d'appliquer le droit de la concurrence. Voilà, vous avez des ouvriers, des dizaines et des dizaines d'ouvriers, qui demandent au juge d'appliquer le droit de la concurrence qui prévoit, figurez-vous, que quand une société a un seul client, quand elle fournit la totalité de sa production à une autre entreprise, alors la fin de cette relation commerciale de production ne peut pas intervenir sans le respect d'un délai de préavis. Et un délai de préavis qui peut être très long, ça peut être jusqu'à 18 mois. Voyez-vous. Et donc, rapporté à la situation de l'usine à Béthune, de Bridgestone, c'est très simple. Cette usine fabrique la totalité de sa production pour un seul client, qui est la société mère de Bridgestone en Europe, qui est une entreprise qui est localisée en Belgique. Et donc, la fin de l'activité au sein de cette usine de Bridgestone emporte inévitablement la rupture de cette relation commerciale, de cette relation de clientèle unique entre l'usine dans le nord de la France et la société mère en Belgique. Et donc, la fin de ce contrat ne peut pas intervenir sans le respect de ce délai de préavis. Et donc, on a demandé au juge d'en tirer toutes les conséquences. Et vous savez ce qu'a répondu Bridgestone ? Le levier que vous avez actionné. Bridgestone a répondu... C'est très important. Dites-moi. Parce que Bridgestone a eu l'hypocrisie absolument incroyable de répondre que la production n'était pas interrompue, que les ouvriers étaient à l'intérieur de l'usine et recevaient en réalité encore aujourd'hui une demande de production inchangée depuis 2 ans. C'est-à-dire que le niveau de production à l'intérieur de cette usine qui, dans la réalité vraie, est quasiment fermée, d'après Bridgestone, le niveau de production serait encore à la hauteur de ce qu'il était en 2019 et même en 2018. Vous voyez, il y a une espèce de paradoxe absolument extraordinaire qui ne tient que dans un prétoire. Parce que quand on sort évidemment du palais de justice et qu'on se rapproche de l'usine, on voit bien qu'il n'y a plus aucune activité à l'intérieur. Vous avez des leviers à actionner. Dans un communiqué, la direction affirme que Bridgestone poursuit sa recherche de solutions industrielles pour le site et territoire. Alors, pas vraiment d'après ce que vous nous avez dit. Mais plus largement, alors je vous donnerai une réponse peut-être un peu plus courte parce qu'on n'a plus que 10 minutes. Et j'ai encore quelques questions à vous poser. Oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est passionnant, mais ça passe aussi très vite. Mais certains disent que la classe ouvrière n'existe plus, ce qui est faux. Elle est moins nombreuse avec la désindustrialisation. Elle a perdu de sa représentation politique. Nous ne sommes plus au temps où le Parti communiste, par exemple, participait à l'action culturelle, à la vie des ouvriers. Est-ce qu'elle est aujourd'hui... Les syndicats ont moins d'écoute également. Est-ce que la classe ouvrière, aujourd'hui, est sans défense dans la France d'aujourd'hui ? Écoutez, il suffit que vous vous rapportiez à la liste des combats que vous citiez tout à l'heure. Le mouvement social de ces 25 dernières années en France, il est marqué par quoi ? Il est marqué par la rébellion d'ouvriers. Alors on peut s'interroger longuement sur pourquoi ce sont les ouvriers. Il y a des raisons évidemment historiques, il y a aussi des raisons ergonomiques. Le fait qu'ils se retrouvent dans la même usine, avec une tradition de lutte bien souvent. Mais le mouvement social dans ce pays, il est animé de façon emblématique par des ouvriers qui n'acceptent pas la logique économique qui domine partout. Et alors là, bien au-delà des usines, ils ne l'acceptent pas, ils combattent, et parfois ils ont des succès. ils ont des succès, notamment judiciaires. Ils ont réussi, les ouvriers, à intégrer dans leur combat, dans leur tactique bataille contre les grandes multinationales, le levier judiciaire. Et ils obtiennent des succès qui sont parfois significatifs, qui permettent d'empêcher la fermeture a été programmée par la grande multinationale. Prenez General Electric, par exemple. Hein, vous les citiez tout à l'heure. Eh bien, les ouvriers de General Electric à Villeurbanne ont fait suspendre le plan social et ont gardé leur emploi plus d'un an après la date à laquelle la grande firme américaine avait décidé que tout serait interrompu et que tout le monde serait licencié. Un an d'emploi supplémentaire, un an de salaire supplémentaire. Symboliquement, c'est extrêmement important parce que ça montre qu'il est possible de gagner contre ces grandes forces de l'économie mondiale. Et puis, concrètement, dans la vie quotidienne de ces ouvriers, c'est aussi extrêmement important parce qu'ils gardent du salaire, ils gardent leur rémunération, ils peuvent continuer à vivre normalement pendant un an supplémentaire. Et croyez-moi, dans la situation actuelle, dans les temps qui courent, garder un emploi pendant un an en plus de ce que vous aviez prévu, parce que la firme vous avait condamné au licenciement, garder un an de salaire supplémentaire, c'est extrêmement important. Et donc ça vient justifier doublement le combat formidable que mènent les salariés de General Electric et les salariés de beaucoup d'autres usines dans ce pays qui n'accepte pas le fatalisme. Merci. Les organisations syndicales, s'il vous plaît, tout à l'heure, sont pas toujours sur la même longueur. Ouais. Merci pour cette réponse, Fyodorilov. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Feu Chatterton qui chante Compagnon. Compagnon des mauvais jours. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archer. J'en ne vienne pas au concert pour entendre hurler à la mort. Cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je prends ma casquette et deux ou trois cigarettes. Dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Fiodor Ilov, il n'a échappé à personne que cette histoire intervient également dans un contexte très particulier, celui de la crise sanitaire. Comment cette crise de Covid-19 pèse-t-elle sur la Covid-19, enfin, ça change rien au fond, pèse-t-elle sur le mouvement social? J'imagine que ça rend les choses encore plus difficiles. Écoutez, oui, enfin, c'est surtout un thème qui est instrumentalisé par les grandes firmes pour tenter de légitimer des plans sociaux qui, évidemment, n'ont pas de justification. Écoutez, je veux évidemment pas minimiser l'impact de la crise. Évidemment que tout le monde est secoué, que les conditions de travail sont extrêmement difficiles, que ça renforce d'une certaine façon la fatalité, vous voyez, qui pèse lourd sur les esprits. Mais quand même, vous voyez, chez Bridgestone, on a quand même essayé, voilà, c'est tout à fait évident, présenter le plan de fermeture comme étant d'une manière ou d'une autre aussi lié à la pandémie. On le voit un peu partout. Bon, cette instrumentalisation, elle fait un peu pchit. Tout le monde se rend bien compte que les plans sociaux en question sont préparés depuis des années déjà. Vous le disiez tout à l'heure, là, chez Bridgestone, ça fait au moins 5 ou 6 ans que de façon très méticuleuse, on a cessé d'investir, on a transformé la production pour que il ne sorte de cette usine que des pneus qu'on va ensuite présenter comme étant caduques ou désuets. Tout ça est préparé de manière extrêmement sophistiquée, avec des spécialistes, voilà, de différents départements, différentes qualifications. Tout ça pour aboutir à quoi? Une catastrophe sociale et humaine. Je posais ma question dans les deux sens. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je posais la question je sais, mais on a un décalage technique qui fait que vous m'entendez pas à la seconde près. Peu importe. Ma question, elle est dans les deux sens. Je dis qu'effectivement, la crise sanitaire était un facteur aggravant avant de la crise économique globale, mais pour la mobilisation des ouvriers, c'est difficile. La Covid rend encore plus difficile le combat. C'est la question que je vous posais dans les deux sens. Pas seulement du côté de Bridgestone. Écoutez, je vous réponds très franchement, c'est pas un obstacle majeur. Évidemment que ça rend les choses un peu plus compliquées, mais vous savez, où est-ce qu'on se réunit avec les salariés, avec les ouvriers, quand on prépare une action, quand on discute de la stratégie à mettre en œuvre? On se réunit à l'extérieur, sur le parking devant l'usine, vous voyez, au grand air. Hein, bon, des fois, il fait un peu froid, des fois, il pleut. Souvent, il fait beau, surtout là, de plus en plus. Mais, vous voyez, c'est pas un obstacle déterminant. D'accord. Nous avons largement la possibilité de nous mobiliser, y compris dans le cadre de cette crise sanitaire, ce qui empêche la mobilisation, c'est malheureusement souvent les orientations pas très combatives des intersyndicales, voilà, des organisations syndicales qui, de plus en plus, se font gober par la fatalité, par ce discours ambiant qui consiste à dire « bon, c'est scandaleux ce qui se passe, nous ne pouvons rien faire ». Le discours ambiant qui tient ce discours en premier, c'est quand même l'État, au plus haut niveau de l'État. Nous avons cette position qui consterne, parce qu'ils peuvent faire des choses, et je veux bien en parler si ça vous intéresse. Ça m'intéresse beaucoup, mais nous n'avons plus le temps d'en parler, figurez-vous, parce qu'il nous reste à peine 30 secondes. Simplement, reviens en écho quand même, mais vous n'aurez pas le temps de répondre, vous me direz oui, non, mais reviens en écho quand même cette fameuse phrase de Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout, et effectivement, on voit... Et c'est toujours la même. Bah oui, c'est ça, exactement, ça fait écho. Voilà, exactement. De quelques superlatifs un peu dramatiques, mais c'est toujours la même, alors que... Non, Fiodor Ilov, s'il vous plaît. ...le plan social tout de suite, par exemple, en refusant la validation de l'accord, et en disant les licenciements n'auront pas lieu. Mais on en parlera une prochaine fois. Oui, une prochaine fois. Mais merci infiniment pour vos réponses un peu longues, mais passionnantes. Merci, toujours au revoir. Toujours un peu longues, mais toujours passionnées. Au revoir. Voilà, et dans la longueur, on trouve le souffle pour continuer. C'est Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Bridgestone, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Léon.